الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. Toujours dans l'explication du livre لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. La lumière de la foi, un livre de l'imam Ibn Qudamah al-Maqdisi, rahimahullah, accompagné de l'explication de Cheikh Salih Ibn Fawzan. Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Il y a deux semaines, on avait déjà avancé dans le chapitre de la foi aux choses invisibles, de la croyance aux choses invisibles, et qu'il était obligatoire de croire en tout ce dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam comme chose ayant rapport avec l'invisible, des choses que l'on constate ou que l'on ne constate pas, des choses que l'on voit ou que l'on ne voit pas, des choses qui rentrent dans nos cerveaux ou qui ne rentrent pas. Tout ce que a informé le professeur Asselem et qui nous est parvenu via un hadith authentique et une chaîne de transmission authentique, nous devons accepter cette information et croire en la véracité de celle-ci. Et parmi ces choses qui sont en rapport avec l'invisible, il y a l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son voyage entre la Mecque et Jérusalem, puis son ascension vers les cieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'avait vu, s'est déplacé en ayant pour monture Al-Buraq, qui est un animal entre le cheval et la mule. Et sa vitesse de progression, quelle est-elle? Un pas équivaut à la distance de la portée de sa vue. Un pas correspond à la distance de la portée de sa vue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé de la Mecque à Médine la nuit. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan. Gloire à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit. Et ceci fait partie des miracles du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et durant son ascension vers les cieux, Allah Azza wa Jal a montré لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. Allah Azza wa Jal a fait montrer à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam des signes et des merveilles, comme la beauté des cieux et de la terre, comme le paradis, l'enfer, etc. etc. ثم قال الشيخ الفوزان حفظه الله فأهل الإيمان ازدادوا إيمانا لأنهم صدقوه من الأول وما داموا آمنوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونه ولهذا لما قيل لأبي بكر إن صاحبك يقول كذا ويزعم أنه راح لبيت المقدس وصعد إلى السماء وجاء في ليلة واحدة قال إن كان قد قاله فهو كما قال أنا أصدقه في خبر السماء أفلا أصدقه في هذا. Et ceux qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cette information leur est parvenue, cela n'a fait qu'accroître leur foi. Cela n'a fait qu'accroître leur foi. Et ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam dès les premiers instants. Contrairement aux polythéistes de la Mecque qui se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant circuler cette information en disant que Mohammed a perdu la raison. Il dit maintenant, après avoir prétendu que c'est un prophète d'Allah, il prétend maintenant qu'en une seule nuit, il est parti de la Mecque à Jérusalem et qu'il est revenu et qu'entre-temps, il est monté aux cieux. Et parmi les personnes vers qui Quraysh se sont dirigés pour se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiallahu anhu, ils sont venus le voir et lui ont dit: ton compagnon prétend qu'en une seule nuit, il est parti à Jérusalem et qu'il est monté aux cieux. Et Abu Bakr radiallahu anhu a dit, s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Je le crois dans les informations qu'il me rapporte des cieux, comment ne le croirais-je pas sur une information comme celle-ci? J'ai cru et je crois que c'est l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah azzawajal l'a envoyé pour transmettre son message. J'ai cru en sa parole dès les premières secondes et j'en étais persuadé car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu pour être véridique et pour être digne de confiance sallallahu alayhi wa sallam, et personne n'a jamais entendu de lui ne serait-ce qu'un petit mensonge. وأما ضعاف الإيمان والكفار فإنهم اتخذوا من هذه الحادثة وسيلة للتهكم بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن ضعاف الإيمان من ارتد عن الإسلام والكفار فرحوا بهذا ولكن الإسراء والمعراج حق وهو معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من أعظم ما أكرم الله به الأمة المحمدية فالإيمان به واجب وكان يقظة لا مناما لأن المنام لا أحد ينكره قريش لا تنكر الرؤيا فلو كان الرؤيا ما أنكرته قريش لأنها تصديق بالرؤيا. Et quant à ceux qui avaient une foi faible et quant aux non-musulmans, ils ont pris de cette aventure et de ce fait un moyen de rabaisser et de parler en mal sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et certains parmi ceux qui avaient une foi fragile ont même renié leur religion, ce qui a provoqué la joie des polythéistes de la Mecque. Mais il n'y a aucun doute que Al-Isra wa Al-Mi'raj est une vérité et que ce fait fait partie des miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, et un bienfait immense qu'il a accordé également à cette communauté musulmane de croire en ce fait est donc une obligation, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé en état d'éveil. Il a voyagé de nuit mais en état d'éveil. Ce n'était pas un rêve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu, car si c'était un rêve, les polythéistes de la Mecque ne l'auraient pas nié, car ils croient et tout le monde croit aux rêves et au fait que les rêves existent et que l'on peut voir dans nos rêves des choses qui sont extraordinaires, des choses hors du commun. Cela, personne ne le nie. Et Quraysh se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non pas parce qu'il a prétendu que cela était un rêve, mais parce que il a attesté que cela a été ou a eu lieu en état d'éveil. Donc cela prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dormait pas et qu'il était réveillé durant tout ce voyage. وأيضا يقول الله جل وعلا أسرى بعبده والعبد إنما يكون لمجموع الروح والجسد فالروح وحدها لا تسمى عبدا والجسد وحده لا يسمى عبدا وإنما مجموع الروح والجسد هو العبد. Une autre preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé corps et âme, c'est la parole d'Allah Azzawajal, gloire à celui qui a fait voyager son serviteur. Asra bi abdihi. Et le serviteur, c'est l'ensemble de l'âme et du corps. On ne peut pas, ou on ne nomme pas une âme un serviteur, de même qu'on ne nomme pas un corps un serviteur. Mais un serviteur, c'est l'ensemble du corps et de l'âme. ثم قال المؤلف وكان يقظة لا مناما قال الشيخ الفوزان لأنه لو كان مناما لم تنكره قريش والأحد ينكر الرؤيا فهو ليس رؤيا نعم حصل للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا لكن في غير الإسراء والمعراج في قصة أخرى فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تكن تنكر المنامات لا تنكر الرؤيا لا أحد ينكر الرؤيا من المؤمنين أو من الكفار لأنها أمر واقع. Et l'imam Nuqudam al-Maqdisi rahimahullah atteste également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce voyage en état d'éveil et non en étant endormi, et que Quraysh effectivement a renié cela, car il ne nie pas les rêves, comme on l'a vu précédemment. Personne ne nie l'existence des rêves. ومن ذلك يقول المؤلف ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. Également, parmi les choses qui font partie de l'invisible et auxquelles nous devons croire, c'est le fait que l'ange de la mort est venu à Moussa alayhi salam pour prendre son âme, et Moussa alayhi salam l'a frappé avec sa main en lui crevant un œil. Faraja'a ila rabbih, et l'ange de la mort est retourné à son seigneur qui lui a redonné un œil. يقول الشيخ الفوزان ومن الأخبار التي يجب التصديق بها قصة موسى مع ملك الموت وهو موسى بن عمران عليه السلام كليم الله جاءه ملك الموت في صورة رجل ابتلاء وامتحانا فأخبره أنه سيقبض روحه وهو في صورة رجل فلطمه موسى لأن موسى كان غيورا فلطمه يعني ضربه على وجهه ففقأ عينه فذهب ملك الموت إلى ربه وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه ثم قال له اذهب إليه فقل له يضع يده على جلد ثور فما أصابت من جلد الثور فله بكل شعرة سنة يعيشها فجاء إلى موسى مرة ثانية وأخبره بما قال الله جل وعلا فقال وبعد ذلك قال الموت قال إذن الآن يا رب وهو حديث رواه أحمد في المسند وصححه الألباني رحمه الله. Parmi donc les informations qu'il faut croire et considérer vraies que nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'histoire de Moussa avec l'ange de la mort. L'ange de la mort qui est venu vers Moussa ibn Imran alayhi salam, celui qui a parlé ou à qui Allah azzawajal a parlé sans intermédiaire. L'ange de la mort est venu à lui sous forme humaine. Il est venu à lui sous forme humaine, et ceci pour tester et éprouver Moussa alayhi salam. Et cet homme lui a informé qu'il allait prendre son âme. Et Moussa alayhi salam l'a frappé au visage, car Moussa alayhi salam était un homme fort physiquement. Falatamahu, il l'a donc frappé au visage en lui crevant un œil. Et l'ange de la mort est retourné à Allah Azzawajal et a dit: tu m'as envoyé vers un serviteur qui ne désire pas la mort. Allah Azzawajal lui a alors rendu son œil, puis il lui a dit, c'est-à-dire Allah Azzawajal a dit à l'ange de la mort: retourne à lui et dis-lui de poser sa main sur la peau d'un taureau et ce que sa main aura touché de la peau de ce taureau, il aura pour chaque poil une année qu'il vivra. Il aura pour chaque poil touché par sa main une année supplémentaire qu'il pourra vivre. Et l'ange de la mort est donc retourné chez Moussa alayhi salam une seconde fois et l'a informé de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit. Et Moussa alayhi salam a dit: et ensuite, c'est-à-dire ensuite, après toutes ces années qui me seront accordées de façon supplémentaire, que se passera-t-il? Il a répondu: al-maut, la mort. Et Moussa alayhi salam a dit: idhan al-anu ya rabb, donc maintenant, ô Allah, c'est-à-dire maintenant, la mort. C'est un hadith apporté par Ahmed dans son Musnad, et c'est un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. يعني ما دام أنه لا بد من الموت فمن الآن يا رب فقبض روحه عليه الصلاة والسلام أو فقبض روحه عليه الصلاة والسلام لما علم أنه ملك الموت وأنه رسول الله إليه استسلم عليه الصلاة والسلام وأما في الأول فلم يدري أنه ملك الموت. C'est-à-dire, tant à partir du moment où il n'y a pas d'alternative à la mort, alors autant mourir maintenant pour Allah. Et ainsi, son âme a été prise, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a su que cet homme était l'ange de la mort qui lui est venu sous forme humaine. Lorsqu'il a su que c'était un envoyé d'Allah, azza wa jal, il s'est alors soumis à ce décret, quand à la première fois il ne savait pas que c'était l'ange de la mort, mais il pensait que c'était un homme ordinaire qui prétendait justement être l'ange de la mort et avoir la faculté de pouvoir ôter les âmes. ومن ذلك قال المؤلف ومن ذلك أشراط الساعة. Et parmi ces choses, les signes de l'heure, c'est-à-dire parmi les choses invisibles auxquelles nous devons croire, il y a les signes de l'heure. ومن ذلك قال الشيخ الفوزان ومن ذلك من أخبار الغيب المستقبلة التي يجب الإيمان بها أشراط الساعة. والأشراط جمع شرط وهو العلامة. قال الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علامات قيامها وقرب حدوثها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. إذا قامت الساعة فليس لهم مجال للإيمان والتصديق حين ذاك ولا يقبل منهم توبة. وأشراط الساعة كثيرة، منها العلامات الأولى ومنها المتوسطة ومنها الأخيرة. C'est-à-dire parmi ces informations qui sont rapport ou qui ont rapport avec l'invisible, et on avait vu que les choses invisibles pouvaient être en rapport avec des faits passés, des faits présents ou des faits futurs. Et les signes de l'heure font partie des choses invisibles qui ont rapport avec le futur. Uniquement ? Le passé uniquement et le présent. Donc les signes de l'heure font partie des choses invisibles qui ont rapport avec des choses passées, des choses présentes et des choses futures. Et al-ashrat en arabe, c'est le pluriel de shart, qui signifie un signe. Allah Azza wa Jal a dit dans sourate Muhammad, le verset 18, qu'attendent-ils sinon que l'heure leur vienne à l'improviste? Or, ces signes avant-coureurs sont déjà venus, c'est-à-dire les signes avant-coureurs de l'heure. Comme salam alhamdulillah. Ce sont des signes avant-coureurs donc. Ce sont donc des signes avant-coureurs de l'heure et qui prouvent que l'heure arrive rapidement et que et qu'elle va avoir lieu dans un avenir très proche. Et Allah Azza wa Jalla dit, et comment pourront-ils se rappeler quand elle leur viendra à l'improviste? Comment pourront-ils se rappeler de cette heure lorsqu'elle leur viendra improviste? C'est-à-dire que lorsque l'heure arrive, la personne oubliera tout ce qu'elle a pu mémoriser auparavant et elle sera totalement déboussolée. Elle sera totalement déboussolée. Et Allah Azza wa Jalla a parlé de cela dans le Coran. Lorsque l'heure arrive, tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, que toute femelle ou toute femme qui a un enfant ou toute femelle qui porte accouchera. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. ولكن عذاب الله شديد. Mais le châtiment d'Allah est douloureux et très dur. Approuve que quand l'heure arrivera, les gens seront déstabilisés, ils seront apeurés, effrayés, et c'est pour cela aussi que lorsque l'heure arrive et que la vérité apparaît au grand jour et que personne ne peut la nier, la foi du mécréant ne pourra être acceptée, ainsi que le repentir du pécheur. Ce sont deux choses qui ne seront pas acceptées à ce moment-là. Et Cheikh Al-Fawzan dit que les signes de la fin ou les signes de l'heure sont nombreux. Il y a des signes primaires, des signes secondaires et des signes finaux. أما الأولى فقد حصلت وانتهى والله أعلم منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة لأنه نبي الساعة عليه الصلاة والسلام قال بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. Il y a des signes, comme je l'ai dit, primaires, c'est-à-dire les premiers signes qui sont pour la plupart apparus, comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, ou qui sont apparus dans leur totalité. Et parmi ces signes, l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un des signes de l'heure, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de l'heure, c'est-à-dire que c'est sa communauté qui subira l'heure. C'est sa communauté sallallahu alayhi wa sallam qui subira l'heure. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans les hadiths authentiques rapportés par Al-Bukhari et Muslim, j'ai été envoyé moi et l'heure comme celle-ci. Et il a fait un signe de son index et son majeur. Et ce qui sépare en longueur l'index et le majeur est minime. Et cette distance-là, elle est vraiment minime. Et l'arrivée de l'heure et l'envoi du professeur sallam sont comparables dans l'espace-temps à la différence qu'il y a entre ces deux doigts. فهو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده إلى أن تقوم الساعة وما حدث من الفتوحات وانتشار الإسلام كل هذا من علامات الساعة انتصار الإسلام وانتشاره في الأرض كل هذا من علامة الساعة وما حدث من الفتن بين الناس والحروب وسفك الدماء كل هذا من علامات الساعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك. C'est donc l'envoyé de l'heure, alayhi salatu wassalam. Il n'y a point de prophète après lui, et ceci jusqu'à la fin des temps. Et tout ce qui a eu lieu comme victoire et comme diffusion de l'islam et propagation de l'islam, tout ceci fait partie des signes de l'heure. Le fait que l'islam ait été victorieux fait partie des signes de l'heure. Ce qui a eu lieu comme discorde entre les gens et comme guerre et écoulement de sang, tout ceci fait également partie des signes de l'heure, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé. والعلامات المتوسطة وهي كثيرة جدا وتحدث عجائب الواحدة تلو الأخرى ونحن نعيش في أمور تتجدد وتحدث عجائب الآن. هذه من علامات الساعة هذه المخترعات هذه الصناعات هذا الاتصال السريع هذا من علامات الساعة وما أخبر به عليه الصلاة والسلام من تقارب البلدان كله من علامات الساعة وقد حدث. Et il y a les signes intermédiaires qui sont extrêmement nombreux, et le fait qu'il y ait à notre époque des faits extraordinaires, le fait de vivre le progrès technologique et toutes les inventions Toutes les inventions qui ont lieu à notre époque, le fait de communiquer de façon rapide fait partie des signes de l'heure. Et le fait aussi que les pays se rapprochent fait partie des signes de l'heure. Maintenant, les kilomètres, voire les dizaines de milliers de kilomètres, ne sont plus un obstacle pour que les gens soient en contact. Et ceci depuis l'arrivée d'Internet et de l'existence du téléphone auparavant, tout ceci font partie des signes de l'heure dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont lieu sous nos yeux. Et qui ont lieu sous nos yeux et que nous constatons de nos propres personnes. Alhamdulillah. ثم تأتي العلامات الأخيرة العشر وهي تتتابع. Puis viendront les 10 signes les plus précurseurs et ces 10 signes se suivent. أولا خروج المهدي من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسن اسمه كاسم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله فينشر العدل وينشر الإسلام وينصر الله به الدين ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا ثم في وقته يخرج المسيح الدجال الأعور الكذاب الذي يجعل الله على يديه فتنة عظيمة ومحنة عظيمة حكمة منه سبحانه وتعالى ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر أيام الدجال ينزل من السماء ويقتل الدجال ويحكم بالإسلام وهو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويبقى في الأرض مدة ثم يأتيه الموت عليه الصلاة والسلام ويموت بأجله الذي قدره الله له. Parmi ces grands signes qui font partie des 10 signes les plus précurseurs, il y a la présence du Mahdi qui fera partie ou qui fait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus particulièrement de la descendance de l'Hassan, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son nom sera identique à celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appellera Muhammad, fils de Abdullah. Son père s'appellera donc Abdullah. Il propagera la justice, il propagera l'islam, et Allah Azza wa Jal, par son intermédiaire, accordera la victoire à la religion. Il remplira la terre de justice après qu'elle ait été remplie d'injustice. Et à son époque, apparaîtra Al-Masih al-Dajjal, le faux messie, le borgne, le menteur. Qu'Allah et Allah Azza wa Jal fera à travers ce faux messie ou apportera à travers ce faux messie des épreuves immenses, des tentations gigantesques, et ceci par sagesse de sa part, subhanahu wa ta'ala. Puis descendra Al-Masih Isa ibn Maryam alayhi salam dans les derniers jours de vie du faux messie. Il descendra des cieux, il tuera le faux messie, il appliquera l'islam et jugera par l'islam qui est la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il vivra sur terre un certain temps, puis la mort le viendra à lui et il mourra au moment où Allah subhanahu wa ta'ala l'aura décidé et lorsque son terme de vie aura été écoulé. Et la descente de Isa alayhi salam fait partie également des choses sur lesquelles il faut avoir la foi, à savoir que Isa alayhi salam n'est pas mort, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé auprès de lui. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais il a ressemblé. Celui qu'ils ont tué ressemblait à Isa alayhi salam, mais ce n'était pas lui. Puis Allah Azza wa Jalla dit, bar rafa'ahu Allahu ilayhi. Bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé auprès de lui. Il est donc vivant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et il descendra alayhi salatu wa salam en la fin des temps, dans les derniers jours de vie du faux messie qu'il combattra, qu'il pourchassera jusqu'à le tuer Et Isa alayhi salam, Jésus, cassera les croix, tuera les porcs et instaurera la jizya et appliquera l'islam sur terre et suivra le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, et il mourra par la suite, car tout être vivant est voué à mourir. Tout être vivant est voué à mourir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Et que ce soit un être humain, un animal ou un djinn. قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. Puis Cheikh Fawzan apporte une autre preuve que Isa alayhi salam n'est pas mort au moment où je vous parle. أي المسيح عليه السلام فدل على أنه يموت في آخر الزمان ويدفن كغيره من الأنبياء. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate An-Nisa, Sourate les femmes, le verset 159. Il n'y a personne parmi les gens du livre qui n'aura pas cru en lui avant sa mort. Avant sa mort. Avant la mort de qui? De Isa alayhi salam. Les exégètes du savant, le Mufassirun du Coran, ont donné deux explications. Sa mort, soit ça veut dire la mort de cette personne qui fait partie des gens du livre, wa im min ahli al-kitab, il n'y a personne parmi les gens du livre qui n'aura pas cru en lui, c'est-à-dire en lui, par contre, ils sont d'accord sur le fait qu'en lui, c'est Isa alayhi salam, avant sa mort. Sa mort, soit c'est sa mort à lui, c'est-à-dire à cette personne des gens du livre, à savoir que lorsqu'il va mourir et les instants qui vont précéder sa mort, il sera persuadé que Isa alayhi salam était un envoyé d'Allah. Car dans les moments qui précèdent la mort, il y a des choses que la personne a et la certitude apparaît, notamment lorsque l'ange de la mort arrive, etc., etc. Il y a des choses que celui qui s'apprête à mourir voit, mais il n'y a plus de retour possible. Il n'y a plus de retour possible. Ou bien, et c'est la deuxième explication qu'ont donné les savants, et c'est celle que choisit Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, avant sa mort, c'est-à-dire avant la mort de Isa alayhi salam. C'est-à-dire que lorsqu'il descendra, les gens du livre croiront tous en lui avant qu'il ne meure. Cela veut dire que Isa alayhi salam n'est pas encore mort, mais qu'il va mourir dans un futur qui, en toute occurrence, est de façon sûre, est un avenir proche. ثم خروج يأجوج ومأجوج وهما قبيلان من بني آدم فيهم شر عظيم وفيهم فتن وسفك الدماء ومضايقات لأهل الإيمان. Puis apparaîtra ou sortiront Ya'juj et Ma'juj, qui sont deux tribus des fils d'Adam, ce sont donc des êtres humains qui sont des tribus qui apporteront une discorde immense et qui font un mal gigantesque. Ils feront couler le sang et feront et oppresseront les gens de foi. ثم خروج الدابة التي تميز بين المسلم والكافر وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون فتضع على المؤمن علامة يعرف بها أنه مؤمن وتضع على الكافر علامة يعرف بها أنه كافر فيصبح الناس يعرف بعضهم بعضا المؤمن من المؤمن والكافر كافر. Puis, la sortie de la bête qui différenciera entre le musulman et le non-musulman. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat An-Naml, Surat la fourmi, verset 82, « Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. » Les gens n'étaient nullement croyants de la véracité de nos signes. Et cette bête donnera à chacun un signe qui permettra de différencier le croyant et le non-croyant. Elle mettra alors sur le croyant un signe qui permettra de reconnaître que c'est un croyant, et sur le non-musulman un signe qui permettra de reconnaître que c'est un non-musulman. Ainsi, les croyants se reconnaîtront entre eux et les non-musulmans se reconnaîtront également entre eux. ثم خروج الشمس من مغربها وهذا آخر العلامات الكبرى فإذا خرجت الشمس من مغربها انتهى قبول الإيمان وقبول التوبة. Puis le fait que le soleil se lève à l'occident, le fait que le soleil se lève à l'ouest, car le soleil en temps normal se lève à l'est et se couche à l'ouest. Le jour où il se lèvera à l'ouest, cela fera partie du dernier des grands signes. Et lorsque le soleil se lèvera de l'ouest, eh bien, aucune foi ne sera acceptée, de même qu'aucun repentir. ثم خروج النار من قعر عدن تحشر الناس إلى الشام تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتسوقهم إلى المحشر. Puis l'apparition d'un énorme incendie qui apparaîtra ou qui commencera du fin fond de Aden, qui est une ville au Yémen, et ce feu ne cessera de se propager et poussera les gens vers la terre du rassemblement. Et là, Ard al-Mahshar ay ila al-Sham. Et la terre du rassemblement sera le Sham, c'est-à-dire la région de la Palestine, de la Syrie, de la Jordanie. C'est pour ça que le professeur Hassan a dit Allahumma barik lana fi Shamina wa fi Yamanina. Oh Allah, bénis-nous dans notre Sham et dans notre Yémen. Et ce feu rassemblera les gens de l'est et de l'ouest dans ce lieu, dans la région du Shem. Et c'est là où, à la fin des temps, tout le monde sera réuni dans cet endroit, poussé par les flammes et cet incendie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit dans le hadith, comme le dit Cheikh Fawzan, tabitu ma'ahum haythu batu. C'est-à-dire que le feu sera présent lorsqu'ils dormiront la nuit, et elle sera aussi, ce feu sera aussi présent lorsqu'ils dormiront la journée. C'est-à-dire que ce feu sera à proximité de jour et nuit. Et le fait de dormir ne les laissera pas en sécurité. Ils seront contraints à émigrer et à se rendre dans cette terre du rassemblement qui est, comme je l'ai dit, la région du Shem. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.